Scipio, Apollona, Villanova, Monfiliermo, retour à Rhodes. Le 16 janvier, je quittais Lindos à 7 heures du matin. 2 heures après, nous arrivions à Lardos, et un peu plus loin, nous passions devant un monastère de religieux grecs, en laissant à droite le château de Ferraclée, où le conseil de l'ordre faisait enfermer les frères de l'hôpital qui avaient encouru la perte de la vie. C'est là que l'implacable Soliman, après la capitulation de Rhodes, trouva réfugié sous la protection de la croix et fit étrangler son infortuné cousin Amurath, dont le père Zizim était venu demander au chevalier de Rhodes un asile où il put se soustraire à la vengeance de son frère Bajazet. Amurath paraissait cependant devoir être bien peu fait pour porter ombrage au sultan, car on raconte que recevant la visite d'un ambassadeur du Shah de Perse, venu à Rhodes pour conclure un traité d'alliance avec le grand maître, il était si pauvre que le trésorier de l'ordre dut lui envoyer quelques présents afin qu'il pût, selon l'usage de l'Orient, les remettre à l'envoyé persan. Le pays que nous traversions, quoique occupé par des bois et couvert çà et là de cette belle végétation que j'avais déjà remarquée, me parut cependant moins fertile dans cette partie de l'île. Peut-être faut-il l'attribuer au vent brûlant du sud. Cette pointe qui s'étend jusqu'au cap de Catavia regarde l'Afrique, et le Sirocco ainsi que les bandes dévorantes de sauterelles qui viennent s'y abattre, après avoir traversé la mer, sont sans doute funestes à cette partie de l'île. 6 heures après mon départ de Lindos, j'arrivai au pied d'un petit fortin en ruine, dû encore aux chevaliers, et qui servait là d'abri à une petite garnison chargée de surveiller le pays. C'était Scipio. D'après ce que me dirent mes guides, je ne jugeais pas à propos de m'avancer davantage vers la côte sud, qui n'offrait rien d'intéressant, et je repris ma course en revenant quelque peu sur mes bras. Puis, me dirigeant à l'ouest, je gagnai la Herma, en traversant des bois de pins assez étendus. Ce village me parut misérable, et son territoire boisé ou marécageux ne semblait offrir que peu de ressources à l'agriculture. Cependant, le pacha de Rhodes avait voulu encourager les habitants de ce district et tirer parti d'un sol où la nature avait repris tous ses droits et était redevenue sauvage. Il favorisait les défrichements, et çà et là, je pus voir sur ma route des portions de bois abattues, de grandes bruyères qui brûlaient, ou des charrues attelées de bœufs qui retournaient péniblement une terre noire que le soleil n'avait pas éclairée depuis des siècles. Cette partie de l'île est la moins peuplée. Aussi le pacha, qui sous ce rapport se montrait moins turc que la généralité de ses compatriotes, accordait-il un peu d'argent à ceux qui bâtissaient des maisons sur une certaine étendue de terre concédée, à la condition de la défricher. Ces velléités d'amélioration dans la condition des populations de ce district ont-elles eu un résultat? Il faut l'espérer. Quoi qu'il soit, plût à Dieu que les agents du gouvernement ottoman fussent toujours aussi bien intentionnés. À 2 heures et demie de la Herma, nous passâmes près d'un village du nom d'Apollona, dans le voisinage duquel se trouvent quelques ruines sans importance, au milieu d'un terrain couvert de pierres que le ciseau paraît avoir taillé. Les cartes indiquent en cet endroit la position de l'antique cité de Camiro, qui avec Elissos et Lindos fut l'une des 3 premières cités de l'île. Il est probable que le nom du village moderne qui a remplacé la ville primitive rappelle la cité antique où le culte du soleil ou d'Apollon était en grand honneur. Nous passâmes au pied du mont Artamiti, dont la cime disparaissait dans une bande épaisse de nuages, et après avoir traversé le village et les vignobles d'Ebona, nous atteignîmes Calavarda en nous rapprochant de la mer. Du rivage, on apercevait l'île de Calchi, l'une de celles sur lesquelles flottait, il y a 3 siècles, le pavillon de Saint-Jean. En suivant la côte et remontant toujours au nord, nous rencontrâmes successivement les bourgades de Fares et d'Amateria avant d'arriver à un groupe de ruines qui porte le nom de Villanova. Ici se retrouve évidemment le souvenir du grand maître Ilion de Villeneuve, à qui l'on doit attribuer ce monument que la guerre a détruit. Différent de ceux que j'avais rencontrés sur plusieurs points, celui-ci me parut avoir été affecté à une autre destination que la défense du pays. D'après ses dimensions et la physionomie des salles dont on retrouve les murs et les arceaux gothiques, il est probable que c'était une maison de plaisance dans laquelle Villeneuve et ses successeurs allaient goûter le repos et chercher les loisirs de la campagne. Nos montures étaient trop lasses pour que nous puissions pousser jusqu'à Rhodes, et quoique nous n'en fussions pas éloignés, nous dûmes nous arrêter à Cremasto, qui est sur le bord de la mer, défendu par un castel dont l'aspect militaire atteste encore sur ce point la vigilance des chevaliers. Une pierre porte un écusson sur lequel figurent les armes des Bris d'Amboise. De Cremasto, nous allâmes à Trianda, où il y avait aussi un château pour protéger le rivage. Mais sa destruction remonte au magistère de Désursin qui le vit démantelé comme incapable de se défendre et plus propre à servir d'abri à l'ennemi que de protection aux campagnards. Autour de Trianda se voient de nombreux vestiges de constructions qui portent le cachet de la plus haute antiquité. Ils sont épars au pied du mont Filiermo, et c'est en cet endroit que la tradition place la troisième des villes primitives de l'île, Ielissos. Près de là sont les ruines d'une église sous l'invocation de Notre-Dame de Filiermo. Il y a 30 ans, on y voyait encore des peintures à fresques qu'on attribuait à un élève de Cimabue, frère servant de l'ordre de Saint-Jean. Les blasons de Villeneuve et de Roger de Pin y montraient la part que ces deux grands maîtres avaient prise à sa construction. Sur le plateau du mont Filiermo, il existe des restes des murailles qui paraissent fort anciennes. Je pense qu'il devait y avoir là, comme à Lindos, une acropole dominant la ville qui était au bas de la montagne. Les murailles furent utilisées par les chevaliers qui les réparèrent et en firent un poste fortifié. On y voit aussi les restes de 2 tours, l'un au sud, l'autre au nord. Le mont de Filiermo est voisin de Rhodes, mais il en est cependant assez distant pour qu'il n'ait pu servir ni aux chevaliers pour en faire une défense de leur place, ni aux Turcs pour l'attaquer. Tels sont les souvenirs qui offrent le plus d'intérêt dans l'île de Rhodes, dont la célébrité historique se mêle à la fable. Son illustration, vieillie depuis les Iliades qui la consacrèrent au soleil, avait besoin d'être rajeunie par celle d'un autre âge, et la gloire des chevaliers de Saint-Jean est venue brillamment effacer celle des divinités païennes dont la croix avait renversé les autels. Que sont devenues les statues de Minerve et d'Apollon? Le temps en a dispersé les débris. Et le colosse fabuleux, compté parmi les merveilles du monde, à peine le voyageur ose-t-il en demander la place que nul ne saurait lui indiquer. Les habitants actuels ne tiennent en rien des géants leurs ancêtres, et le grec de Lindos a oublié que Danaüs y réfugia avec ses 50 filles. Le temple qu'il y éleva est tombé aussi bien que celui de Jupiter sur le mont Artamiti. Qui redira à Rhodes que Vénus y aborda en allant en Chypre et que Cadmus y fut jeté par la tempête en cherchant l'Europe? Laissant les fictions ingénieuses de la mythologie, cherche-t-on les traces d'Alexandre, de Cicéron, de Pompée ou de Tibère? Rien ne les indique plus et personne ne cible rien du passage de ces grands hommes dans l'île. Mais si l'Antiquité a disparu tout entière, la mémoire des hospitaliers est encore palpitante. Elle vit de tous côtés et sert d'aliment aux traditions populaires. Les hauts faits de nos pères sont racontés par les Turcs eux-mêmes, étonnés des vertus guerrières de cette noble milice dont les rejetons sont venus, 3 siècles plus tard, prouver à l'Orient endormi sur des lauriers fanés qu'ils n'avaient rien perdu de la valeur belliqueuse qui animait les preux de Godefroy ou de d'Aubusson. On se souvient à Rhodes, comme si c'était d'hier, que la 31e demi-brigade y relâcha à son retour d'Égypte. Les vainqueurs des pyramides et d'Héliopolis ont ravivé les souvenirs de ceux de Jérusalem et d'Antioche. Les soldats de Bonaparte et de Kléber étaient les fils de ceux de Villeneuve ou de l'Isle-Adam, et les Turcs se demandaient pourquoi les lys de Saint-Louis ne s'épanouissaient pas sur le drapeau français. Mais alors les échos répétèrent la Marseillaise, dont le refrain est resté dans la mémoire des habitants, et plus d'un vieux Turc vous dira qu'il a dansé, de force, la Carmagnole dans une ronde de soldats républicains. Ainsi, à 800 ans de distance, les légions françaises avaient foulé cette terre d'Orient et combattu la barbarie mahométane, d'abord en exaltant la croix du Christ, ensuite en proscrivant ceux qui l'adoraient. Un seul sentiment restait debout et animait les cœurs des descendants, comme il avait fait battre celui de leurs ancêtres, le sentiment de l'honneur militaire. La Rhodes moderne est la seule qui subsiste aujourd'hui, et ses monuments sont ceux de nos pères, comme ses souvenirs sont des pages de notre histoire. Ainsi s'achève Voyage à l'île de Rhodes par Eugène Flandin.